Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Attention, flash spécial Odyssée. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute des Odyssées. Nous poursuivons notre série spéciale consacrée à Jules Verne. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien en train de courir. Michel Ardan, notre prochain invité, m'a prise de court. Il m'a demandé de suivre, je l'ai fait et ouais, franchement, je sais pas très bien où je suis. Autour de moi, ça ressemble à une piste de décollage, j'imagine. Et là, là devant, il y a une sorte de gros machin. Je crois que ça doit voler. Allez, Laure, montez. Attention, là. C'est compte final. Vous êtes sûr, Michel? Faites-moi confiance, vous le regretterez pas. Ok, ok. Maintenant, attachez-vous et mettez ce casque. Ok. 3, 2, 1, mais qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes en train de décoller, Laure. Décoller? Mais où ça? Vers la lune, yahoo! Mais vous êtes complètement ma poule! Michel Ardan s'est retrouvé à faire cet incroyable voyage de la Terre à la Lune. C'est par là que nous allons commencer. À l'époque où se déroule cette aventure, les humains ont déjà deux pieds, deux mains. La Terre, bien sûr, est déjà ronde, mais personne. Je dis bien, personne n'a encore réussi à atteindre la Lune. En 1861, aux États-Unis, les habitants du Nord affrontent ceux du Sud. Une terrible guerre ravage le pays. Durant ces années sombres, un étonnant cercle voit le jour. Le Gun Club. Traduction, le club d'armes. Constitué de spécialistes et de grands amoureux de tous ces petits joujoux mortels qui font... Il compte environ 30 000 personnes. Non. Correction, 30 000 hommes. Sir, yes, sir. Grâce à leur formidable travail, les États-Unis deviennent en quelques années les numéros 1 dans le secteur de la fabrication d'armes à feu. Il faut dire que chacun de ses membres est extrêmement motivé. La guerre, c'est ma passion. Chaque fois qu'il y en a une, je fonce. Ce que je préfère, c'est tirer un peu partout. Comme ça. Pardon, avec un bras en moins, c'est sûr que je ne vise plus aussi bien. La guerre au Gun Club, ils l'ont tous faite. Et chacun y a perdu quelque chose. Un bras, un pied, une jambe, une hanche, une main ou encore une oreille. Oh, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Inouï. Tant et si bien que le célèbre mathématicien Pitcairn, ayant décidé un jour de se pencher sur le sujet, est parvenu à cette fascinante moyenne. Gun Club, d'après mes calculs, il n'y a pas tout à fait un bras pour 4 personnes et seulement 6 jambes pour 6. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. En 1865, une terrible nouvelle frappe tous ces grands fanats du combat. La paix est signée. Fini le doux ronron des revolvers. Quelle tristesse. Et maintenant, que fait Impey Barbicane, le président du Gun Club, est extrêmement préoccupé. Que vont devenir tous mes petits gars? Une nuit, enfin, tout s'éclaire. Le président a trouvé quelque chose. Oh, mes clés! Ah, ça fait une semaine que je les cherche, dis donc. Mais non, enfin, pas vos clés. Vous avez trouvé une idée. Ah oui, bien sûr, oui, c'est une idée, bien sûr, j'ai trouvé une idée, oui. Le lendemain, au Gun Club, ça remue dans tous les sens. Le président s'apprête à faire une grande annonce. L'effervescence est à son comble. Oups, pardon. Oh non, John, encore. Oh, attention, il arrive. Ça va commencer. 1, 2, 1, 2, test, test. Oh, allez, ça marche. Très chers collègues, la guerre est terminée et je suis comme vous. Écœuré par cette effroyable nouvelle. Mais haut les cœurs, j'ai pour nous tous un incroyable projet. J'imagine que vous avez déjà tous entendu parler de la Lune. Oh yeah! Eh bien si je vous disais que nous pouvions l'atteindre. Messieurs, je vous propose de construire la plus belle arme du monde. Un canon si puissant qu'il pourrait envoyer un boulet jusqu'à la Lune. Ensemble, changeons l'histoire. Canardons l'astre de la nuit. À ces mots, tous les hommes se lèvent. Enfin, ceux qui ont encore leurs jambes. Et applaudissent à tout rompre. Enfin, ceux à qui il reste encore une main. Ils les composent tout. Le Gun Club se met au travail. Hey Jim, comment qu'on fait ? Je sais pas, John. On a qu'à demander. Ouais, bonne idée. Mais à qui ? On a qu'à demander à quelqu'un à qui on doit demander. Ouais. Mais à qui on demande ? Oh purée, on n'est pas rendu. Le président Barbicane prend les choses en main. Il réunit chez lui autour d'une table remplie de sandwichs un petit groupe de grands spécialistes. Pendant deux jours, ils mangent, puis ils vont à la piscine. Enfin, ils prennent une décision. Bien, notre canon sera positionné dans la ville de Tampa Town, en Floride. Quant au lancement, il aura lieu le 1er décembre de l'année prochaine. À 11h moins 13 minutes et 20 secondes. Ce point est capital. Si le boulet de canon part une seconde plus tôt ou plus tard, il loupera la Lune, c'est certain. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, bonne chance à nous. Barbicane, le président du club, donne le change, mais il est moralement épuisé. Depuis son annonce retentissante, il n'a pas une seule seconde à lui. Le public américain, vorace, veut tout savoir. Chaque jour, les citoyens s'arrachent les journaux pour connaître les dernières avancées. Tous ? Eh bien non, pas tout à fait. Un drôle d'énergumène attaque le président dès qu'il le peut. Bouh, Barbicane, Barbicane ! Qu'as-tu à la place du cerveau ? Une tatane ? Un platane ? Une banane ? Une... Merci, monsieur, merci. On a bien compris, vous connaissez toutes les rimes en âne. Enfin, le 4 novembre, la construction commence. Nuit et jour, le métal, bouillant comme de la lave fondue, coule. Sans cesse, on assemble, on chauffe, on liquéfie, on fusionne. 1200 fours, crachant d'immenses flammes, entourés de vapeurs rougeâtres, fonctionnent à plein régime. La température est à peine supportable, les ouvriers se relaient pendant près d'une année. Et puis, un matin, le canon le plus puissant du monde, droit comme un i, pointe son immense bouche vers le ciel. Tout est prêt. Nous sommes le 22 septembre. Il ne reste plus qu'à attendre le 1er décembre. Ce jour fatidique, où la Lune sera assez proche de la Terre, c'est là qu'il faudra tirer. Attendre, attendre, attendre, attendre ! Diable, que le temps semble long ! Enfin, c'est sans compter sur les coups de théâtre. Une semaine plus tard, un message arrive au domicile du président Barbicane. Paris, 30 septembre, 4h du matin. Remplacez boulet de canon par gros cylindre. Je partirai dedans. Je partirai dedans ? Je partirai dedans ? Mais qui ? Qui serait assez dingue pour se faire envoyer sur la Lune sans savoir s'il pourrait jamais revenir ? Barbicane, fébrile, jette un œil en bas du papier. Signé Michel Ardan. Le président du Gun Club, immobile, la mâchoire pendante, n'en croit pas ses mirettes. Mais c'est absurde ! Mais quel homme pourrait vouloir... Non, mais c'est impossible ! Ou bien ce Français cherche à se moquer de nous, ou bien il est complètement fou ! Tout cela demande vérification. Lorsque Michel Ardan, chevelure soyeuse et regard de myope, débarque dans le port de Tampa Town, Barbicane est là pour l'accueillir. Et il n'est pas le seul. L'info visiblement affûtée. Une foule en délire, arrivée des quatre coins du pays, siffle et crie le nom de celui qui, au nom de l'humanité, veut prendre la place d'un boulet de canon. Le lendemain, une conférence de presse internationale est organisée. Qui est ce mystérieux Michel Ardan ? Quel est son projet ? Comment compte-t-il s'y prendre ? Le public, bon sang, veut des réponses. Et ainsi, l'aventurier français, debout sur une estrade, prend la parole face à 351 personnes pendues à ses lèvres. Mesdames et messieurs, chers peuples d'Amérique, certains pensent que je suis fou. Je ne le suis pas. Je suis l'avenir. Pensez-vous que les humains habiteront toujours la planète Terre ? Non ! Aujourd'hui, nous voyageons de Liverpool à New York. Demain, nous irons de la Terre à la Lune. Oui, bravo ! La distance n'existe plus. La distance n'existe pas. Ma parole ! Notre bonhomme, une fois encore, a électrisé la foule. T'as-tu l'expliqué au juste ? Pas grand-chose. Mais il a mis le temps juste et la bonne énergie. Eh oh, pas si vite, l'asticot ! Lance une voix qui, tout à coup, s'élève de l'assemblée. Vous nous endormez avec vos belles idées. Vous prenez-vous pour une divinité ? Oh, enfin un esprit critique ! Mais comme Barbicane, niveau pratique, vous êtes un zéro historique ! Sapristi, c'est l'homme qui fait des rimes ! Aussitôt, deux flammes s'allument dans les yeux du président Barbicane. Capitaine Nicholl ! Sale fripouille ! J'aurai ta peau ! Comment, mais vous connaissez son nom ? Un peu que je le connais, ouais. Nicholl est mon pire ennemi. On se déteste depuis la guerre. Tandis que je fabriquais des boulets de canon pour servir mon pays, monsieur construisait des plaques en acier blindé pour protéger les navires. Il est temps d'en finir! Le soir même, Barbicane et Nicholl se donnent rendez-vous pour un duel. Un duel? Oh purée! Le président ne plaisantait pas. Les deux hommes, dos à dos, chargent leurs armes. Ah, Barbicane, bientôt tu vas payer tes chicanes. Ils s'éloignent. Puis, ils se font face. Ils lèvent leurs pistolets. 3, 2, 1. Arrêtez! Arrêtez! Michel Ardan, qui arrive dans ses os, saute sur les deux hommes pour les séparer. Personne ici ne doit mourir! Écoutez-moi bien, car j'ai beaucoup réfléchi. Si vous vous détestez depuis toutes ces années, c'est sans doute que vous êtes jaloux. Oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai trouvé la solution pour arrêter cet affreux sentiment. Laquelle? Ah bon, laquelle? Embarquez tous les deux avec moi! Si vous faites tous deux partie de cette folle aventure, vous ne pourrez plus être jaloux l'un de l'autre, et ainsi, fini le ressentiment. Mais oui! Excellente idée! Et ainsi, après avoir transformé le boulet de canon en capsule spatiale, le 1er décembre, tout est prêt pour le grand lancement. Impey Barbicane, le capitaine Nicholl et Michel Ardan saluent toute l'Amérique, puis ils s'enferment dans le projectile. 10, 9, 8. Le canon est chargé. À 11h moins 13 minutes et 20 secondes, soit environ 10h47, on appuie sur le bouton. Feu ! Allumage ! Le canon tonne, la terre tremble avec fracas, dans un tonnerre assourdissant, propulsé par une flamme gigantesque. Les trois hommes partent dans l'espace, direction la Lune! Qui sait ce qui les attend? Soyez prudents, les amis, et revenez vite! Et si ce n'est pas vite, ben revenez un jour! Derrière cet épisode, il y a Juliette Proutot, Guillaume Meurice, Marion Lelay, Mathieu Noël, Benjamin Orgeret, Clément Nouguet, Jules Verne et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.